Vous voulez savoir si votre femme donnait des cours pour les secours jeudi. Fin des questions. Alors on va terminer avec ça. Mon épouse donne des cours pour donner, je dis donner, des cours pour, comment on appelle ça, ceux qui n'ont, ça s'appelle les analphabètes. Elle donne des cours dans la mosquée aux femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Alif, on, ba, on, jim, on, ta, on, voilà. Voilà ce qu'elle donnait des cours. Autrefois, quand elle était jeune, avant de se marier, nam, elle donnait des cours dans la mosquée, des cours de dîn. Et ensuite, quand elle s'est mariée, nam, avec les enfants, avec le ménage, ceci, cela, ceci, elle s'est éloignée de la quête de la science. C'est pour cela que je vous ai dit, nam, de profiter quand vous n'êtes pas encore marié. Car une fois marié, ça va être vraiment difficile. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Naam. Donc maintenant, les enfants, surtout moi, quand je me suis marié, les premières sept années, j'ai eu sept enfants, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai pas dit, je laisse après ou là. Non. Maintenant, tant que je suis jeune, tant que je peux, tant que... Naam. Donc avoir sept enfants l'un après l'autre, chaque année, les premières années du mariage, donc ça va pas te laisser de temps pour... Yani lire les livres, à part yani assister à certains cours et comme ça. Non. Donc voilà, inshallah ta'ala. C'est pour ça que là, je profite aussi pour vous dire une chose. Quand je vous disais, je vous donnais les conseils que yani, il est possible que quelqu'un se marie avec une autre personne et que c'est pas obligé que les deux, obligatoirement, soient des talibouines. C'est pas obligé. Il y a plusieurs sœurs qui se marient pas et vont rester toute leur vie célibataires. Elle va te dire, j'ai pas trouvé quelqu'un de talibouine. Yani, il faut qu'il soit vraiment talibouine. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas une obligation. L'essentiel, c'est que il ne soit pas contre le talibouine. Il te laisse étudier. Maintenant, si lui, il veut pas étudier, tu veux pas lui mettre des chaînes et lui dire, viens apprendre. L'essentiel, il me laisse apprendre, il me laisse aller à la mosquée, il me laisse assister aux cours. C'est ça l'essentiel. Si lui, il veut pas, il te brasso. Moi, j'aimerais que mon époux soit quelqu'un de machallah qui donne des cours, c'est pas seulement il apprend. Ah, ça peut être une grande source, ça c'est vrai. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Quand maintenant les deux sont des talibouines, chacun va montrer à l'autre qu'il a plus de science que lui. Naam, lui il va dire comme ça à la sœur, elle lui dit non, excuse-moi, mais le hadith a dit comme ça. Naam, j'ai entendu. Cheikh Ibn Outaymine dans une cassette dire comme ça. C'est pas comme tu dis toi. Et ça va rentrer dans le djidel et des conflits. S'il divorce pas, c'est déjà alhamdoulillah. Naam. Pourquoi? C'est pas à cause du ilm. C'est pas parce que les deux ont du ilm. Mais parce que les deux ne connaissent pas les adab de la science. Ils connaissent pas les adab. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis étudiant en science. Et quand est-ce que je parle? Quand est-ce que je parle pas? Quand est-ce que je me tais? Naam. Un mohim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne davantage. Voilà, comme ça peut être une source de motivation. Quand les deux, mashallah, sont des talibouin et ils ont le cœur uni, et que, alhamdoulilah, ils se comprennent, mashallah, et qu'ils vont ensemble demander de la science, ils vont ensemble assister au cours. Ça, c'est, il n'y a pas une grande ni'ma plus que celle-là. Lui et son épouse, ils prennent la voiture et ils vont aller assister à un cours où là ils s'assoient à la maison, ils commencent à lire un livre et à écrire et à résumer. Ça, c'est une ni'ma, il n'y a pas plus grande ni'ma que celle-là dans cette vie. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider et vous donner, yani, un conjoint qui ferait la joie de vos yeux. Un conjoint qui ferait la joie de vos yeux, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On va se rencontrer, inchallah, après demain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.